la mort était dans la basse-cour. Quand j'ai parlé en boulette, approche du dîner et lui criait ton ventre gondait. L'orage intérieur l'a dépassé. La paix s'est abattue. Poivre gris moulu. Merci.